بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ce qui va suivre, inshallah ta'ala, est une tentative de traduction résumée de ce qu'a pu dire le noble cheikh Ahmed Bazmoul, حفظه الله تعالى. Dans ce discours qu'il a adressé, et dans ce message, dans ce conseil qu'il a adressé à ses frères et sœurs de France et d'ailleurs, il a commencé par la traditionnelle khutbat al-haja, à laquelle il a adressé les louanges à Allah tabaraka wa ta'ala. Il lui a demandé son aide, son pardon et la protection contre le vice de nos personnes et contre nos mauvaises actions, dans lesquelles il a affirmé l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans son adoration et dans le droit exclusif qu'il a d'être adoré, et dans lequel il a également affirmé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur et messager d'Allah sallallahu subhanahu wa ta'ala. Suite à cela, il a affirmé que le plus véridique des discours, c'est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et la meilleure des guidées, c'est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que les pires des choses sont celles nouvellement inventées en religion. Et que toute chose nouvellement inventée en religion est une innovation. Et que toute innovation est un égarement. Suite à cela, il a annoncé la joie que lui procurait le fait d'être réuni avec ses frères de France et d'ailleurs. Et il a annoncé le sujet de ce rappel qu'il a intitulé comme étant un conseil incitant au fait de se cramponner à la sunna et de s'éloigner de tout ce qui pourrait constituer de l'exagération. Puis il a commencé en affirmant, et ce qui va suivre de notre part n'est qu'un résumé. Et masha'Allah, le discours du Shir fut un discours très instructif et très riche, notamment en citations coraniques, en hadith prophétique et en paroles de ulama, à leur tête les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas forcément évident de tout retranscrire. C'est pour cela que ce qui va suivre ne sera qu'un résumé, en essayant d'être le plus fidèle possible au message qu'a voulu faire passer le noble cheikh Ahmed Bazmoul, hafidhahullah. Il a donc commencé en insistant sur le fait que la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà ne peut s'obtenir que par la fidélité à la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait mention du hadith rapporté par Ad-Darqutni et Al-Hakim, qui est un hadith qui est authentique, rapporté par Abu Huraira radiallahu an, qui rapporte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que ce dernier a dit: je vous ai laissé deux choses, vous ne vous égarerez pas tant que vous y serez cramponnés, le livre d'Allah et ma sunnah. Il faut savoir que dans ces deux sources-là se trouve la félicité et le bonheur, aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà, et que cela constitue une cause fondamentale pour l'obtention du paradis. Et il fait partie du fait de se cramponner et d'être fidèle au Coran et à la Sunna, le fait d'observer la compréhension des salafs, les pieux prédécesseurs de cette communauté, et de comprendre les deux sources que nous avons mentionnées précédemment, le livre et la sunna, à la lumière de cette noble compréhension qu'est la compréhension des salafs, les pieux prédécesseurs de cette communauté. Et il a cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la traduction approximative du sens est la suivante: et quiconque fait scission avec le messager après que la guidée lui soit apparue et se met à suivre autre que le chemin des croyants, nous le laisserons vers ce qui s'est détourné et ferons de l'enfer son refuge. Et quel mauvais refuge! Il a également cité, hafidhahullah ta'ala, le célèbre hadith de la division, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mention de la division qui va toucher, qui va survenir au sein de sa communauté. À la fin de ce hadith, nous trouvons que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: et ma communauté va se diviser en 73 groupes, tous sont en enfer sauf un. Il lui fut alors dit: quel est-il, au messager d'Allah? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre: ce sont ceux qui sont sur quoi je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons. Donc tu retrouves à nouveau ici le fait d'être fidèle et de se cramponner à cette voie qui a été précédemment mentionnée. Également, le shir, hafidhahullah ta'ala, a fait mention du célèbre hadith de l'Irbad ibn Sariya, radiyallahu an, dans lequel nous trouvons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Accrochez-vous donc à ma sunnah, cramponnez-vous-y et mordez-y à pleines dents. Et méfiez-vous de toute chose nouvellement inventée en religion, car toute chose nouvellement inventée en religion est un égarement, ou plutôt est une innovation, et toute innovation est un égarement. Suite à cela, le shir, hafidhahullah ta'ala, a mentionné une parole très instructive d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, par laquelle il a insisté sur ce qu'il avait énoncé au préalable, dans lesquels nous retrouvons entre autres plusieurs points, notamment le fait que la dérogation à la sunna, à savoir donc le fait de ne plus y être fidèle et ne plus s'y cramponner, est une cause qui mène à la perdition. Et il a cité dans ce sens-là la célèbre parole de Malik ibn Anas, l'imam, rahimahullah ta'ala, qui a comparé la sunna à l'arche de Noé en disant: la sunna, c'est comme l'arche de Noé. Quiconque y embarque est sauvé, et quiconque s'en écarte est voué à la perdition. Après cela, le shir a fait une seconde recommandation. Cette recommandation, il l'a adressée aux salafis, de manière générale aux adeptes de la sunna. Et il les a incités à parfaire leurs relations et à réformer leurs relations entre eux. Et il s'est basé dans cela sur une parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dont la traduction approximative du sens est la suivante: craignez Allah et réformez vos relations. Dans ce sens-là, il a incité à ne pas se boycotter, à ne pas se tourner le dos entre suiveurs de la même voie. Et toujours dans ce sens-là, à savoir dans le fait d'établir le mérite qu'il y a dans le fait de réformer les relations, et également de concilier, de réconcilier ceux qui sont en désaccord, en divergence, ceux qui se tournent le dos, se boycottent mutuellement. Il a mentionné un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi que cet acte-là, à savoir le fait de réconcilier et de réformer, est meilleur que de nombreuses prières et de nombreux jours de jeûne surérogatoires. Et toujours dans ce cadre-là, le shir, hafidhahullah ta'ala, a dit que l'inverse de cela mène à la faiblesse. En effet, le fait de laisser les divergences et la discorde s'installer mène à la division, ce qui mène à la faiblesse. Et dans ce cadre-là, il a fait mention du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre autres, dit: ne vous haïssez pas, ne vous enviez pas et ne vous boycottez pas. Bien sûr, ici le boycott qui est visé, comme l'a dit le shir, hafidhahullah ta'ala, C'est le boycott qui est lié au droit de la vie commune. Lorsque certains parmi les membres de la communauté en viendraient à se rendre coupables de manquements relatifs au droit de la vie commune. Quant à ce qui est relatif au droit de la religion, alors il faut savoir que c'est autre chose, et que celui qui dévie ou déroge de la voie de la sunna, il est impératif de le conseiller, de le rappeler à l'ordre, afin qu'il cesse de dévier. Mais s'il persiste, s'engueillit et s'entête, alors à ce moment-là, ma solution sera de s'écarter de lui et de le mettre à l'écart. Après cela, le shir, habidahullah ta'ala, et comme je l'ai dit, je le répète, ce n'est qu'un résumé. Le shir, habidahullah ta'ala, a mis en garde contre l'exagération. L'exagération qui n'est autre que le fait de dépasser les limites. Soit en faisant des éloges outrancières d'une personne, soit en la blâmant de manière abusive. Dépasser les limites, soit en faisant des éloges outrancières d'une personne, soit en la blâmant de manière abusive. Et c'est l'inverse du laxisme. Et il faut savoir que la religion d'Allah, c'est un juste milieu entre ces deux extrêmes-là, l'exagération d'une part et le laxisme d'une autre. D'ailleurs, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit qu'il n'est pas un ordre parmi les ordres qu'Allah tabaraka wa ta'ala a édicté sans que Satan y ait deux entrées. Une entrée par l'exagération et une autre entrée par le laxisme. Et peu lui importe par laquelle de ces deux entrées il va réussir à s'introduire auprès du serviteur afin de l'égarer. Le shir a posé une question. Il a dit, comment savoir si telle ou telle chose relève de l'exagération ou pas? Maintenant que nous savons que l'exagération est quelque chose de blâmé dans la religion. La réponse, c'est en revenant au livre et à la sunna, et en prenant en compte les paroles des ulama pédagogues. C'est l'expression qu'il a utilisée, al-ulama ar-rabbaniyoun. Les ulama, les savants de l'islam qui sont pédagogues. Et le shir, habidahullah ta'ala, a ouvert une parenthèse ici. Et il a dit que certaines personnes ont une mauvaise compréhension de l'exagération. C'est ainsi que lorsqu'ils entendent les orientations, les conseils venant des adeptes de la sunna, salafiyoun, tu les trouves qui taxent ces choses-là d'exagération. Le shir a dit, si jamais ces conseils-là, ces orientations-là, ces recommandations-là n'étaient au final que de simples opinions qui viennent de nos propres personnes, alors il aurait été possible et envisageable de dire que c'est de l'exagération. Cependant, la réalité est tout autre. En effet, tu te rends compte que ces recommandations-là, que ces conseils-là qui sont donnés par les adeptes de la sunna et à leur tête les ulama, ne sont autres que des recommandations puisées dans les textes du Coran et de la sunna, et qu'il ne revient à personne le droit de venir rendre licite ou illicite, indépendamment de ce qui pourrait être trouvé dans les textes du Coran et de la sunna. C'est pour cela que cette remarque-là n'est pas à sa place, et que cette accusation-là est une accusation outrancière, qui en vérité ne touche pas les adeptes de la sunna. Après cela, le shir, après avoir donc dénoncé et mis en garde contre l'exagération, il a fait état de la valeur qu'a l'exagération dans la religion. Et il ne vous est pas caché que cette chose-là est strictement interdite. L'exagération, aux yeux de la religion, est strictement interdite. D'ailleurs, on trouve des textes qui la condamnent. Notamment la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la traduction approximative du sens est la suivante. Aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites pas à propos, et ne dites à propos d'Allah que la vérité. Et également, le shir hafidhahullah ta'ala a fait mention d'un hadith rapporté par l'imam Ahmed et Ibn Majah, entre autres, et qui a été déclaré authentique par l'imam Al-Albani rahimahullah, dans lequel nous trouvons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à certains membres de sa communauté, n'exagérez pas dans la religion. Et le hadith qu'a cité le shir est bien plus long, et je me contente ici, toujours dans le cadre de ce modeste résumé, de mentionner le passage qui concerne le sujet. Dans le premier texte mentionné, nous trouvons qu'Allah tabaraka wa ta'ala a condamné les gens du livre. Et dans le second texte, nous trouvons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a orienté cette interdiction et cette réprobation vers les membres de sa communauté. Donc il faut savoir que l'exagération est de manière générale interdite. Et il faut savoir également que l'exagération peut se manifester dans la croyance, comme il est envisageable qu'elle se manifeste dans l'adoration, et comme il est envisageable qu'elle se manifeste dans d'autres domaines. Et c'est d'ailleurs ce qu'a établi le shir par la suite en mentionnant les différentes sortes d'exagération, notamment dans la croyance. Et il fait partie de l'exagération dans la croyance, le takfir sans argument et sans preuve. Le takfir, hafidhakumullah, c'est le fait de statuer de la mécréance. Statuer de la mécréance d'un tel ou d'un tel. Et il relève de l'exagération dans la croyance que de statuer de manière outrancière de la mécréance d'un tel ou d'un tel sans droit, sans argument, sans preuve. D'ailleurs, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a rapporté d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qu'un jour un homme s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du partage d'un butin de guerre en lui disant « Ô Mohammed, sois juste !» Puis le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit « Et qui va être juste si moi je ne le suis pas ?» Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, à moins que ce ne soit Omar, comme nous le trouvons dans certaines versions, a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, l'autorisation d'exécuter cette personne-là, qui avait osé porter atteinte au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en insinuant qu'il n'avait pas été juste. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, laisse-le. Et il va sortir de la descendance de cet individu-là, des personnes. Vous allez mépriser votre prière face à la leur. Et vous allez mépriser également d'autres types d'adoration qu'il a mentionné. Et il a mentionné également qu'ils lisent le Coran et que ce dernier ne dépasse pas leur gorge et qu'ils sortent de la religion comme sort la flèche du bétail. Et il a également mentionné, sallallahu alayhi wa sallam, comme caractéristique de ces gens-là, le fait qu'ils délaissent les idolâtres et qu'ils tuent les gens de l'islam. Ce ne sont autres que les khawarij qui ont exagéré dans ce domaine, le domaine du takfir. Ce domaine-là qui est relatif à la croyance, donc, parmi les manifestations de l'exagération, l'exagération dans la croyance. Également, parmi ces manifestations-là, ou parmi les sortes d'exagération, l'exagération dans les œuvres. Et le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala a mentionné dans ce cadre-là un hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Également parmi les sortes d'exagération, l'exagération dans les paroles. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons, n'exagérez pas à mon égard comme l'ont fait les chrétiens avec Isa, le fils de Marie. Et dites juste que je suis le serviteur d'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Puis le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala s'est mis à dénoncer un certain nombre de manifestations de l'exagération, notamment dans l'adoration, notamment dans ce qui touche certaines personnes qui se réclament de l'islam et qui en viennent à exagérer à l'égard de certains saints. Et nous retrouvons cette exagération-là dans certaines sectes se réclamant de l'islam. Et il faut savoir que cette exagération-là a en amené certains à apostasier et à sortir de la religion, comme c'est le cas des extrémistes parmi les chiites et les soufis. Il faut savoir également que l'exagération peut mener à des causes qui ouvrent les portes au polythéisme, à l'associationnisme, à shirk, notamment le fait de construire des dômes au-dessus des tombes, et ainsi de suite, en construisant des mausolées ou autres, qui sont autant de moyens menant à l'associationnisme. Donc l'exagération, comme nous allons le voir plus en détail par la suite, mène à de nombreux maux. Également parmi les répercussions mauvaises de l'exagération, et parmi ces manifestations désastreuses, l'exagération de le takfir, comme nous l'avons vu, l'exagération de le tafsir, ainsi que dans le tabdi'a. Le takfir, comme nous l'avons vu, c'est le fait de statuer de la mécréance d'un tel ou d'un tel. Quant au tafsir, c'est le fait de statuer de la perversité d'un tel ou d'un tel. Quant au tabdi'a, c'est le fait de statuer du caractère innovateur d'un tel ou d'un tel, en disant qu'un tel est innovateur. Et tout cela, si ce n'est pas basé sur des preuves tangibles et religieuses, alors ça aura été fait sans droit, et ça relèvera de l'exagération, et ça comportera son lot de mots et de dissensions. Wal'iyadhu billah. Le takfir, qui relève de l'exagération, c'est notamment celui qui est fait à cause des péchés, qu'ils soient grands ou petits, qui sont en deçà de l'associationnisme, le shirk. Le fait de statuer de la mécréance d'un musulman à cause du fait qu'il a perpétré un péché, qu'il soit grand ou petit, alors que ce péché, sa gravité est en dessous de celui du shirk, alors ce takfir-là est un takfir qui relève de l'exagération. Également le fait de statuer de la mécréance, donc d'appliquer le takfir sur des musulmans à cause de choses permises dont ils ont choisi de profiter et de bénéficier. Nous trouvons en effet certaines personnes qui statuent de la mécréance de musulmans à cause du fait qu'ils ont profité de certaines choses de ce bas monde qui relèvent du domaine permis. Quant au tabdi', donc le fait de statuer du caractère innovateur d'une personne, ça relève notamment, ou ça relève, le fait de le dénoncer, le tabdi' qui constitue de l'exagération, comme l'a dit le Shir, hafidhahullah ta'ala, c'est le fait de taxer d'innovateurs les adeptes de la sunna, les salafis, ceux qui sont sur la voie du prophète alayhi salatu wassalam, et des pieux prédécesseurs de cette communauté, en les taxant d'anthropomorphistes, ou de telle ou telle chose qui au final relève de l'innovation. Wal'iyadhu billah. Quant au tafsir, le fait de statuer de la perversité d'un tel ou d'un tel, ça relève de l'exagération, lorsque la cause qui a motivé cela n'est pas légiférée, n'est pas légitime. Comme le fait de taxer de la perversité d'une personne à cause du fait qu'elle a profité de certaines choses permises de ce bas monde, ou encore le fait de statuer de la perversité des ulama ou des étudiants en sciences, faisant partie des adeptes de la sunna, à cause du fait qu'ils occupent telle ou telle fonction dans la société, ou à cause du fait qu'ils côtoient les gouverneurs et les émirs. Car il faut savoir que les ulama ont expliqué que cela n'est pas interdit de manière absolue, et que le fait qu'un savant ou qu'un étudiant en science occupe une fonction dans la société, ou qu'il ait une place de choix auprès du gouverneur musulman, ne signifie pas forcément qu'il a commis quelque chose d'interdit. Donc le fait de le taxer de pervers à cause de cela n'est pas quelque chose de correct, et le fait de le faire relève de l'exagération. Suite à cela, le shir a énuméré un certain nombre de causes qui peuvent mener à l'exagération. La première de ces causes-là, c'est l'ignorance. Et il a profité de l'occasion pour nous inciter à fournir des efforts dans l'apprentissage du Coran, de la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté, en restant fidèle aux ulama de la Sunna. Parmi les causes également qui mènent à l'exagération, la mauvaise intention. Et il a souligné et mis en évidence un point très important. Il a dit, en effet, tu trouves certaines personnes qui exagèrent dans la religion et qui légitiment cette exagération-là en la faisant passer comme étant de la jalousie au service de la religion. Il cherche donc par là à légitimer cette exagération-là en la faisant passer pour de la jalousie au service de la religion, alors qu'en vérité, ils ont une mauvaise intention derrière cela, et qu'ils ne font que cacher cette mauvaise intention par de beaux discours qui ne changent en rien la réalité de leurs agissements, qui relèvent de l'exagération blâmée dans l'islam. Également, parmi les causes qui peuvent mener et qui mènent à l'exagération, la distance avec les ulama, le fait de ne pas être proche des ulama, alors que la jeunesse musulmane se doit d'aimer les ulama, de revenir à eux, de ne pas les devancer, de prendre en considération leurs recommandations, leurs orientations, leurs conseils, et de ne pas les devancer. Également, parmi les causes qui peuvent mener à l'exagération, le suivi des penchants de l'âme, ou le suivi des passions. Et il faut à ce moment-là chercher à ce que nos penchants se soumettent à ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à la voix du messager alayhi salatu wa salam. Parmi les causes également qui mènent à l'exagération, le fait de suivre aveuglément les gens et de s'attacher aux gens et de faire preuve de fanatisme vis-à-vis des gens. Il faut savoir que nous devons de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que pour ce faire, nous devons impérativement prendre en considération et nous aider des efforts qui ont été faits par les ulama de la sunna. Cependant, nous ne faisons pas dépendre la vérité des gens. Et c'est ainsi que nous condamnons toute forme de fanatisme lié aux personnes. Et ce fanatisme-là compte parmi les causes de l'exagération dans la religion, qu'Allah nous en préserve. Également, parmi les causes qui mènent à l'exagération, la fréquentation des exagérateurs. Et le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala a mentionné comme exemple qui illustre cela ce qui a pu arriver à Abdurrahman ibn Muljim, qu'Allah le traite comme il le mérite, ainsi que Imran ibn Hattan également, qui comptait parmi les Khawarij après avoir été parmi les adeptes de la sunna. Ce dernier, Imran ibn Hattan, était sur la sunna jusqu'à ce qu'il se marie avec une femme qui faisait partie des Khawarij. Et c'est ainsi qu'il devint comme eux. Et d'ailleurs, les adeptes de la sunna, les ulama de la sunna, le mentionnaient comme contre-exemple, afin de dénoncer le fait de fréquenter les exagérateurs et les gens du faux. Et il faut savoir que cette fréquentation-là compte parmi les causes majeures qui mènent vers l'exagération qu'Allah nous en préserve. Suite à cela, le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala a mentionné certaines conséquences néfastes de l'exagération, que je vais essayer d'énumérer de manière résumée, et il est possible que je ne les mentionne pas toutes. Premièrement, la déviance. L'exagération mène à la déviance, à l'égarement. Deuxièmement, le fait que cela noircit la réputation de l'islam. Rends-toi compte que le prophète, alayhi salatu wassalam, connaissait le nom des hypocrites. Il avait connaissance de leur nom. Malgré tout, il s'est refusé à les exécuter. Et ce, afin qu'il ne soit pas dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tue ses compagnons. Pourquoi? Car ces gens-là, même si c'était des hypocrites, aux yeux des gens, ils étaient considérés comme des compagnons. Donc le fait de les tuer aurait semé la confusion dans l'esprit de ces gens-là et aurait eu une conséquence néfaste et aurait donc en quelque sorte noirci l'image de la religion. Donc il faut savoir que le fait de préserver l'image de la religion est quelque chose que nous devons rechercher. Or, l'exagération compte parmi les choses qui noircissent la réputation de l'islam. D'ailleurs, le Shir a insisté sur le fait qu'il est important et impératif de montrer l'islam sous sa véritable forme et image, et que nous nous devons de montrer aux gens la réalité de la religion. Et cela, en vérité, revient au fait d'exposer la religion, car nous ne sommes pas en train d'inciter les musulmans à simuler. Non, ce n'est pas ça. Ce qui est voulu ici, c'est le fait de montrer l'islam sous sa vraie forme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il sacrifiait, il cherchait, il demandait des nouvelles d'un de ses voisins qui était un juif, et ce, afin de lui faire partager la viande de ce sacrifice-là. Tout cela donc dans le but de l'inciter à embrasser l'islam. Donc c'est quelque chose qui fait partie de la religion, le fait d'adopter ce genre de comportement-là. Et il est un point très important à mentionner ici. Cela ne signifie en rien que nous considérions ces gens comme étant des croyants, non. Et nous n'avons pas de doute sur la mécréance des juifs et des chrétiens notamment. Mais le fait de statuer de leur mécréance est une chose, et le fait de se comporter de la manière que nous avons mentionné en est une autre. Et les deux choses ne sont pas en contradiction. Et le Chir également de profiter de l'occasion pour dire, si ce comportement-là est de mise avec des gens qui ne sont pas musulmans, alors à plus forte raison, entre musulmans, entre ceux qui suivent la même voie, la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les conséquences de l'exagération, le fait de tomber dans l'innovation. Parmi les conséquences de l'exagération, le fait de se lasser. D'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, incitait au fait d'être pondéré. Et il disait qu'il n'est pas une personne qui a cherché à prendre le dessus sur la religion sans que ce ne soit cette dernière qui prenne le dessus sur lui. Également, parmi les conséquences néfastes de l'exagération, ce que l'imam al-Tabarani a rapporté, et cela a été déclaré authentique par l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, concernant le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, a formellement mentionné que l'exagération fait partie des choses qui empêchent de bénéficier de l'intercession du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Également parmi les conséquences néfastes de l'exagération, le fait de ne pas profiter de l'aide d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également formellement dit que celui qui exagère et qui se désolidarise de la jama'a, al-jama'a, c'est le groupe uni sur la vérité. Celui qui se désolidarise du groupe uni sur la vérité et tombe dans l'exagération, ne bénéficie pas de l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ce sont un certain nombre de conséquences néfastes qui résident ou qui font suite au fait d'exagérer. Wal'iyadh billah. Suite à cela, le shir, hafidhahullah ta'ala, a fait mention d'un certain nombre de points, notamment la place importante qu'occupe la douceur dans la religion. Et ce, en exposant les moyens auxquels nous pouvons avoir recours afin de ne pas tomber dans l'exagération et afin de la combattre et de la dénoncer. Il a donc insisté sur la place importante qu'occupe la douceur dans la religion. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wasalam disait que la douceur n'a pas été mêlée à une chose sans l'en bénir. Alors que la dureté n'a pas été mêlée à une chose sans l'enlaidir. Également, le fait de se cramponner au livre d'Allah, à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, en observant la compréhension des plus prédécesseurs de cette communauté. Également, un point très important, qui constitue un des moyens incontournables afin de ne pas tomber dans l'exagération, le fait de revenir et d'être fidèle aux ulama de la sunna comme nous l'avons établi précédemment. Également, et c'est là un quatrième point, le fait de ne pas prêter l'oreille aux gens déviants, à ceux qui cherchent à t'éloigner des ulama ou qui cherchent à t'éloigner des dirigeants musulmans et à te monter contre eux. Tu te dois de t'écarter de ces gens-là. Car ces gens-là, en vérité, te mènent vers quoi? Ils te mènent vers l'exagération, et nous venons de voir ce à quoi peut mener le fait d'exagérer dans la religion. D'ailleurs, le shir hafidhahullah ta'ala a attiré l'attention vers un point très important à nouveau, et comme vous pouvez vous en rendre compte, ces différentes recommandations données par le shir sont très importantes, et contiennent énormément de points très importants dans la religion. Et ce point-là donc est lié au fait de revenir et d'être fidèle à l'ulama. Il consiste à insister sur le fait de laisser les affaires à ceux qui sont aptes à les résoudre et à s'en occuper. À savoir que nous devons renvoyer ces choses-là aux ulama et que nous ne devons pas les devancer dans cela et que nous devons nous méfier de toute personne qui chercherait à nous éloigner ou à nous monter contre les ulama de la sunna. Suite à cela, le shir, donc dans une organisation très structurée de sa conférence, il a mentionné un certain nombre d'ambiguïtés qui peuvent être soulevées et qui pourraient remettre en question ce qui a pu être établi précédemment. Parmi ces ambiguïtés-là, le fait de dire, nous n'exagérons pas. Mais en vérité, nous ne faisons que protéger la religion. Le shir donc a répondu à cela en disant que la religion, nous la protégeons, non pas en exagérant, mais nous la protégeons en y étant fidèles, en la mettant en application telle qu'elle est, de manière authentique. C'est de cette manière-là que tu vas protéger la religion. en te cramponnant à cette religion, à la mettant en application telle qu'elle est. Quant à l'exagération au final, et comme nous l'avons vu précédemment, elle ne tend qu'à noircir la réputation de cette religion, et elle ne la protège en rien. Deuxièmement, le fait que certains tombent dans l'exagération à cause du laxisme d'autres. En effet, certaines personnes, lorsqu'elles constatent le laxisme ambiant dans lequel sont tombées bon nombre de personnes, elles répondent à ce laxisme-là, qu'elles constatent et dénoncent et déplorent, en tombant dans l'exagération. Il faut savoir qu'en vérité, la solution face à ce fléau, le haut du laxisme que nous pouvons rencontrer et déplorer, ce n'est pas le fait de tomber dans l'autre extrême, mais c'est plutôt le fait de se repentir et le fait de rester fidèle à la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, le fait que certaines personnes puissent en arriver à penser qu'elles se rapprochent d'Allah et qu'elles accomplissent son adoration en exagérant. Et cela, comme nous l'avons mentionné précédemment, est nul et non avenu, et ce n'est pas de cette manière-là que l'on se rapproche d'Allah et qu'on l'adore. Également, quatrième ambiguïté, le fait que certaines personnes argumentent par un aspect psychologique penchant vers la dureté et l'exagération, pour justifier justement leur exagération et leur dureté abusive. Ils te disent un tel, ou parfois donc ils visent leur propre personne, ils exagèrent mais ils diminuent de la gravité de son exagération en argumentant par le fait que c'est là uniquement un état psychologique particulier qui est propre à cette personne-là. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la personne se doit de chercher à traiter la maladie dans laquelle, par laquelle elle est touchée. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'une personne est venue le voir et lui a dit « Ô messager d'Allah, accorde-moi une recommandation. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a vu que c'était une personne qui était sujette à la colère, il lui a dit « Ne te mets pas en colère. » Et il lui a demandé à plusieurs fois, à plusieurs reprises, il lui a demandé donc une recommandation, et à chaque fois il lui disait « La tarbab, ne te mets pas en colère. » Donc celui qui serait touché par une quelconque maladie psychologique ou mentale, il se doit de se soigner en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de le guérir, mais cela ne constitue en rien une excuse qui pourrait venir justifier ou légitimer une quelconque exagération dans la religion. C'est ainsi que le shir, habidahullah ta'ala, a clôturé cette intervention très bénéfique. Il a invoqué en faveur des frères et des sœurs, parmi ceux qui ont pu écouter ce discours et parmi ceux qui ne l'ont pas écouté, et nous le remercions et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de le récompenser pour le temps qu'il a accordé à ses frères et sœurs et pour ses recommandations très importantes qu'il a délivré, jazakallahu khayran. Et suite à cela, un certain nombre de questions nous ont été posées. Je n'ai pas la possibilité ici de vous les traduire. Du fait que la première question concerne un cas particulier d'une personne, ma'am, et que ça nécessiterait donc de bien se poser sur la question ainsi que sur la réponse afin d'être le plus fidèle et précis, et peut-être que j'aurai l'occasion de le faire prochainement, bi'idhnillah. Et d'autres questions ont été posées, on n'a pas pu tous les entendre, étant donné qu'ici, on a dû accomplir la prière d'El Maghreb. Ainsi s'achève cette tentative de traduction. J'insiste sur le fait que c'est un résumé, et j'espère que avoir été le plus fidèle possible, si parmi les frères arabophones il en est qui ont pu constater des imprécisions ou des approximations, je les invite à faire part de cela. Naam. Et j'incite tous ceux qui entendent cette modeste traduction à fournir les efforts nécessaires afin de comprendre l'arabe et de pouvoir bénéficier directement des conseils et orientations des ulama de la sunna, rahimahumullah, qu'Allah leur fasse miséricorde et qu'ils protègent et préservent ceux qui parmi eux sont encore en vie. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.